Zauber mich mit oder Rutsch. Draußen wieder schnell den Ball. Rock am sur le chemin de Compostelle, celui que je dépose encore emporté. Centre religieux dans la roche, dans ce village médiéval, et les rues et les ruelles construites autour. Rock, rock, amaloum. Falaise qui domine le canyon de la Zou, on y découvre le corps de Saint Amadou. Rock, rock, amadou, troubadou, troubadou. Rock, rock, amadou, troubadou, troubadou. Centre religieux dans le roche, dans ce village médiéval, et la rue et les ruelles construites autour. Rock, rock, amadou, troubadou, troubadou. Rock, rock, amadou, troubadou, troubadou. Je suis dans la vallée et je